Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le second mandat du gouvernement de René Lévesque de 1981 à 1985. Écoutez, j'ai toujours dit à chacun de mes collègues, chacune d'ailleurs de mes collègues qui pouvaient avoir des intentions très légitimes en soi, de succession, de faire leur travail le mieux possible, de faire leurs preuves, autrement dit, et que le jour viendrait, bien sûr, puisque la plupart de ceux que je peux évoquer sont pas mal plus jeunes que moi. La même chose s'applique à M. Johnson, mais ça ne m'inspire rien d'autre pour l'instant. Le 19 janvier 1985, René Lévesque se voit contraint de justifier son leadership devant les journalistes qui assistent au congrès spécial du Parti québécois qui a lieu ce week-end-là. Il faut dire que le matin même a été publié un sondage qui montre que près d'un Québécois sur deux souhaite le départ de René Lévesque. Plus encore, le sondage indique qu'un Parti québécois dirigé par Pierre-Marc Johnson conserverait le pouvoir, alors que le Parti québécois sous la direction de René Lévesque serait défait par le Parti libéral de Robert Bourassa. C'est le début de la fin du règne de René Lévesque et du Parti québécois après un deuxième mandat excessivement éprouvant pour l'équipe péquiste. Maintenant, en tout cas, contrairement à ce que certains avaient pu penser en 1976, nous ne sommes plus un accident de parcours. Le Parti québécois est devenu un parti de pouvoir. C'est un parti provincialiste, comme le parti de M. Laurier en Alberta ou le parti de M. Davis en Ontario. C'est un parti qui a été élu pour défendre les intérêts du Québec, qui a goûté au pouvoir avec tout ce que ça peut représenter d'instruments de développement, autre que uniquement leur idéologie. Et à ce compte-là, ils ont par deux fois mis leur idéologie sous le tapis pour être élus comme gouvernement. Et ils vont en prendre l'habitude. Moi, je pense que dans ce sens-là, la réélection forte du Parti québécois met un terme à la question de souveraineté ou d'indépendance, tant et aussi en tant qu'un nouveau parti, minoritaire cette fois-ci, parce que c'est une idée minoritaire dans notre société, devient le véhicule de cette nouvelle tendance-là. René Lévesque, le soir de la réélection du Parti québécois le 13 avril 81, suivi du commentaire de Marcel Mass, ancien député de l'Union nationale, qui sera plus tard ministre conservateur du gouvernement Mulroney à Ottawa, à l'émission Ce soir, le 14 avril 81, le lendemain donc de la réélection du gouvernement Lévesque, pour nous parler de ce deuxième mandat extrêmement difficile du Parti québécois. Je reçois le politologue et historien Jean-Charles Paneton, auteur notamment de deux tomes qu'il a consacrés au gouvernement Lévesque entre 1976 et 1985. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour. Autant on a parlé, c'est vrai, Jean-Charles Paneton, du premier mandat du gouvernement Lévesque comme d'un grand mandat politiquement. Absolument, oui. Avec plein de réformes. Autant le deuxième va être très, très difficile, semé d'embûches, mais de toutes sortes. Sur plusieurs plans, en fait. Au plan économique, les nouvelles sont très, très mauvaises. L'économie ne va pas bien, mélange d'inflation et de stagnation économique. Donc, c'est très, très difficile au plan économique. Et ça l'est aussi au niveau constitutionnel, parce qu'on est dans l'après-référendum de mai 80. Et donc, le gouvernement du Canada, le gouvernement Trudeau, va reprendre l'initiative constitutionnelle et va imposer, en fait, ses décisions, ses orientations à l'ensemble du Canada, avec l'appui évidemment de certaines provinces, mais pas de celles du Québec. L'isolement du Québec, son isolement, la nuit des longs couteaux, on dit rapatriement unilatéral de la Constitution, donc une espèce de camisole constitutionnelle qui va être imposée au Québec. Ce sont de très, très mauvaises nouvelles et c'est un gouvernement qui a beaucoup de difficultés à naviguer à travers tous ces écueils-là. Et un parti, un gouvernement et un parti, je reviens à ce que Marcel Mass disait, tout est déjà là. Les déchirements internes, autant sur le plan idéologique, parce que le contexte économique est très difficile. Il y a des ministres progressistes dans ce gouvernement, puis il y a Lévesque et d'autres ministres qui vont prendre le contrôle, qui vont imposer une austérité importante au Québec, à ça. Puis il y a justement l'option, la cause qui vient de subir deux revers coup sur coup. Absolument, absolument. L'élection de 1981 est intéressante parce que les circonscriptions que Lévesque va aller chercher, plus de 80, donc ils ont 80 sièges, un Québécois sur deux vote pour le Parti québécois, vote pour René Lévesque, sont des circonscriptions qui sont en région. Donc on n'est plus du tout dans le bastion d'origine des circonscriptions de l'est de l'île de Montréal. Donc on a beaucoup changé. L'électorat a beaucoup changé. L'électorat est plus centre-droit aussi. Et donc tout ça influe, amène en fait des élus, amène des ministres qui sont plutôt centre-droit que centre-gauche. d'ailleurs une bonne partie de la gauche qui s'était constituée des ministres, qui s'était rassemblée au sein du Conseil des ministres, sont partis après la défaite référendaire. On n'a qu'à penser à Jacques Couture, Lise Payette, un petit peu avant ça, oui. Celui qu'on appelait l'âme sociale, qui était Robert Burns, ont tous quitté déjà le Parti québécois. Donc, on a un changement de garde important lors de cette élection de 1981-là, qui va orienter évidemment le gouvernement dans une autre direction que celle qu'il avait prise lors du premier mandat. Revenons à l'élection comme telle. Il y a un renouvellement, vous le dites bien, mais le déclenchement d'élection. Où en est le Parti québécois au moment du déclenchement de cette élection de 1981? Bien, essentiellement, quand les élections se déclenchent, on donne évidemment les libéraux gagnants, les libéraux de Claude Ryan. Il faut se rappeler que c'est Claude Ryan qui était à la tête des libéraux à cette époque-là. Et sauf que très rapidement, l'évêque est en pleine forme. L'évêque est un peu, je dirais, libéré de la question constitutionnelle, même s'il doit quand même faire campagne là-dessus, parce que les déclarations de Pierre-Éliott Trudeau sur le rapatriement de la Constitution, même unilatérale, ben, vont mobiliser les forces, vont, entre autres, les nationalistes vont se mobiliser et tout. Et évidemment, il faut bien le situer dans le temps. On est au moment de la campagne électorale après la défaite référendaire de 80, mais absolument. Avant la réforme constitutionnelle de 80. Avant la réforme et le rapatriement qui se fait en 1982, vous avez raison de le mentionner. Et donc, l'évêque est celui qui personnifie le mieux, hein, le meilleur défenseur des intérêts supérieurs du Québec, alors que Claude Ryan a une position très, très molle en matière constitutionnelle, qui lui avait d'ailleurs joué des tours pendant le référendum de 80 parce qu'il n'avait rien à présenter alors que Trudeau avait pris toute la place à cette époque. Et donc, sur ce terrain de bataille-là, l'évêque va rapidement prendre le contrôle des initiatives, des enjeux de campagne et tout. Il va mener une campagne qui va être formidable. Il est très à l'aise. Tous ses collaborateurs le disent dans leur mémoire et tout. Si bien qu'il va renverser la vapeur, donc d'une victoire qu'on disait somme toute assez molle, assez faible, il va passer à une victoire qui est très importante en gagnant 80 sièges. Donc, grosse majorité à 49 %. Je dois dire que je regrette profondément que le Québec se retrouve aujourd'hui dans une position qui est devenue en quelque sorte une des traditions fondamentales du régime fédéral canadien tel qu'il fonctionne. Le Québec se retrouve tout seul. Ce sera au peuple québécois et à lui seul d'en tirer la conclusion. Monsieur l'évêque, est-ce qu'on doit comprendre que ces résultats référendaires écartent définitivement votre menace de démission? Ben écoutez, disons que ça m'enlève le goût d'y penser tout de suite, en tout cas. C'est, je sais bien, il y a des gens qui sont amusés avec René Random, puis des histoires de abracadabrante comme ça, il faut toujours caricaturer, puis ça fait des bons titres. Mais au-delà de votre humble serviteur, il y avait tout l'avenir du parti. Je pense qu'à un certain point, l'avenir de la cause, ce qui nous paraît être la solution, puis de plus en plus, à mesure que le temps passe, puis il n'y a pas besoin de vous dire que les événements récents nous laissent une certaine addition de conviction de ce côté-là. La cause que nous défendons, la solution, quant à nous, éventuelle du problème de la dépendance du Québec et de ce que ça lui coûte. René Lévesque, au moment d'abord de la conférence constitutionnelle de novembre 1981, un homme très déçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis, à la suite, le deuxième extrait, c'est René Lévesque que vous entendiez à la suite de sa victoire lors de ce qu'on a appelé le René Random en février 82. Quand on faisait allusion dans cet extrait à un référendum, c'était le référendum interne au Parti québécois, le René Random. Jean-Charles Paneton, l'isolement du Québec durant la nuit des longs couteaux à la conférence constitutionnelle de 81 à Ottawa, ça va faire très, très mal au Québec, mais ça va déboucher aussi sur une crise interne importante au Parti québécois qui va culminer justement par l'organisation de ce fameux René Random. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Puis au fond, qu'est-ce qui se passe entre l'isolement du Québec en novembre 81 et le René Random de février 82? Mais alors, la réaction, elle est presque instantanée. En décembre, il y aura un congrès et les membres du Parti québécois vont réagir très fortement à l'orientation prise par le gouvernement du Canada en matière constitutionnelle. Donc, tout de suite après l'isolement du Québec à la conférence constitutionnelle. Très rapidement. Congrès du PQ. Voilà. Et puis, on vote une proposition et on dit essentiellement donc, qu'on va... L'élection d'un gouvernement péquiste prochain enclencherait automatiquement le processus d'accession à l'indépendance. Finalement, on revient à la position initiale que le PQ avait défendue à la fin des années 60, début des années 70. Donc, durcissement. Durcissement. Jusqu'à un certain moment, Parizeau va pratiquement aller au micro en faveur de la proposition, mais va se rendre à ce micro-là, mais en fait, va simplement faire un petit... une petite entourloupette et puis va finalement appuyer la décision, l'orientation en avec disant, l'évêque. Je me suis trompé de micro. Ouais. Alors, c'est un peu gros, mais bon, je pense qu'il a changé d'idée. Le message beaucoup est entendu. Voilà. Alors, on a passé très, très proche d'une contestation. Si Parizeau s'était mis à la tête des souverainistes et tout ça, probablement que ça aurait brassé beaucoup plus dans les instances du parti. Mais Parizeau va choisir de, finalement de se rallier à René Lévesque. Il faut dire que René Lévesque a mis énormément de pression sur le parti en disant, si vous allez dans cette direction-là, eh bien, moi, je démissionne. Ouais. Et il demeure encore en 81. Il a encore en 81 une certaine popularité. Donc, on ne peut pas se passer du chef, bien évidemment. Mais il veut renverser, en fait, la décision des militants. Exactement. Et il décide, lui, de revenir avec son fameux René Randhomme. C'est un peu une caricature, comme il l'a mentionné. Il veut revenir sur cette décision-là en faisant revoter les membres du Parti québécois. Et donc, il y aura... C'est en menaçant de partir, quand même. En menaçant de partir, voilà. Si vous ne me donnez pas raison. Voilà. Parce que la démocratie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu ça, son argumentaire. On ne peut pas faire la souveraineté sur une simple majorité de sièges. Je vais partir. C'est qu'au fond, pour l'évêque, la question de la souveraineté, elle s'est terminée. Hein? C'est terminé pour un bout de temps et donc il ne veut pas revenir là-dessus. Ce qui définit une autre position, pas à ce moment-là, mais ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'on ne peut pas enclencher la souveraineté sur une simple élection. Ouais. Donc, et donc, 95 % des 140 000 membres qui vont voter en faveur de sa proposition sous, évidemment, comme on l'a dit, la menace d'une démission. Donc, il travaille très, très fort à renverser cette décision-là, ce qui laisse des marques importantes au sein du PQ. De nombreux membres vont choisir de démissionner, de quitter le parti. Donc ça, c'est une première crise importante, puis il y en aura une autre très importante dans ce deuxième mandat. Parallèlement à ça, bon, là, il vient de sauver les meubles, entre guillemets, René Lévesque. Oui. Le Québec traverse une période économique excessivement difficile. À quoi ça ressemble, cette période-là, sur le plan économique au Québec? Bien, on peut donner quelques chiffres qui vont nous permettre de mesurer l'ampleur de cette crise économique-là. On a plus de 450 000 personnes sur l'aide sociale. On en a près de 500 qui sont au chômage. Donc, on imagine avec des chiffres comme ça, une grande partie de la population est donc sans emploi, dans la misère, pratiquement. Les taux d'intérêt, il y a une flambée de taux d'intérêt, taux hypothécaires, etc. On parle de taux hypothécaires qui peuvent friser parfois les 18-19 %. Ouais. Donc, ça crée une pression supplémentaire sur les budgets des familles et tout. On voit la situation, elle est désastreuse. Et donc, dans un contexte comme celui-là, c'est sûr que la question constitutionnelle, même si elle est importante, elle prend une deuxième place comme telle. Et l'évêque va tenter, par un ensemble de mesures économiques, en s'appuyant sur ses ministres économiques, de contrer le plus possible cette crise très importante. Et puis le visage du Conseil des ministres va changer. Là. C'est vraiment l'équipe économique, entre guillemets, plus conservatrice, plus à droite fiscalement, qui prend les commandes. Quand un gouvernement dépose un projet de loi comme celui de la loi 105, accompagné de 109 décrets qui vont définir les conditions de travail des employés du secteur public et parapublic, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde applaudisse. Le gouvernement a beau invoquer l'urgence de la situation, l'opposition l'accuse de provocation, et l'opposition n'était pas toute seule hier à signifier son désaccord. Au sein même du Parti québécois, eh bien, il y a eu d'abord l'opposition de Louise Arel, députée de Maisonneuve, qui a voté contre la motion d'urgence, et on a souligné aussi l'absence de 18 députés et ministres. Extrait de l'émission présent du 10 décembre 1982. En décembre 82, donc, le gouvernement Lévesque, Jean-Charles Paneton, impose une centaine de conventions collectives non négociées aux employés du secteur public. Ça ressemble pas, j'allais dire, au Parti québécois, en tout cas à un certain Parti québécois. Comment on en arrive là? On a, à l'aube du référendum, donc avant 80-79, négocié une nouvelle convention dans laquelle on a donné beaucoup. Et quand la crise économique, on la ressent déjà en 79. Hein, déjà, il y a des premiers éléments qui laissent voir que la crise économique s'enracine et va être très importante. Mais on a quand même donné donc aux syndicats et aux employés de la fonction publique de très généreuses conventions collectives. Et donc, il devient très difficile dans le contexte économique du deuxième mandat de payer tous ces avantages-là à l'ensemble des fonctionnaires, aux 300 000 fonctionnaires québécois. C'est pourquoi on décide, et là, il y a un débat très important au sein du Conseil des ministres. Il y a une première option qui dit, et elle est défendue par Jacques Parizeau, honorons les conventions collectives puisque nous les avons signées, donc donnons les augmentations et tout. Et lorsque les conventions viendront à échéance, nous imposerons une diminution de salaire de 30 % aux fonctionnaires par la suite. Et l'autre camp qui se positionne autour principalement de Pierre-Marc Johnson dit non, non, non, c'est une erreur politique de faire ça. Si on leur donne les augmentations et on va les rechercher ensuite, ça va être catastrophique politiquement. C'est un très mauvais calcul. Ouais. Donc, annulons, ne respectons pas la convention. Rassoyons-nous avec les syndicats essentiellement, négocions avec eux, tentons de nous entendre avec eux. S'ils ne veulent pas entendre, il y aura des lois spéciales et tout. Et donc, c'est ce qui arrive. Et malheureusement, on doit, on appelle ça le principe de la piscine parce que c'est un immense plongeon. Hein. Les gens vont perdre 30 % de leur salaire. C'est quand même très considérable à une époque où, on le sait, taux d'intérêt et tout sont très élevés. Les budgets sont très serrés, les budgets familiaux très serrés et tout. C'est une décision qui va être catastrophique et qui va marquer pour longtemps le Parti québécois et ce gouvernement-là. Je connais personnellement, puis je suis certain que c'est pareil pour vous, je pense à des enseignants, des enseignantes, puis des gens du secteur public qui se souviennent, qui en veulent encore à ce gouvernement. Mes parents étaient étaient dans les services publics aussi. Donc oui, je me rappelle très, très bien, ça frappait très fort. Donc c'est dur. Contexte économique difficile. Cette décision qui déplaît, il y a beaucoup d'employés du secteur public au Québec. L'isolement, on l'a vu, du Québec, ça va très, très mal sur beaucoup de plans. Ce qui fait que l'étoile pâlit, l'étoile de René Lévesque, l'étoile du Parti québécois. Quand est-ce que ça commence à apparaître, les signes d'impopularité? En 82, déjà, les sondages démontrent qu'il y a des fissures assez importantes dans la popularité de René Lévesque. Il faut se rappeler que pendant la grande majeure partie, en fait, de l'histoire du Parti québécois, c'est René Lévesque qui avait toujours des taux de popularité très, très élevés et qui amenait le Parti québécois dans tous ses succès. À partir de 82, 83 aussi, sont des années aussi où l'économie va de plus en plus mal. C'est là que la popularité de Lévesque commence à être chambranlante comme telle et ça va s'accentuer au fil des années, si bien qu'à un moment donné, c'est Pierre-Marc Johnson qui va ressortir dans les sondages comme étant celui qui peut sauver le gouvernement et le Parti québécois. Et donc, on peut s'imaginer à partir de ce moment-là que les jeux commencent à être différents au sein du Conseil des ministres. Les alliances vont se faire et plusieurs vont vouloir s'allier à Pierre-Marc Johnson, qui semble être celui qui va succéder. Là. Je suis confiant qu'ensemble, avec votre appui et votre encouragement, nous pouvons bâtir une situation de prospérité pour notre cher Québec dans un Canada très fort, très prospère et profondément uni. Ça, c'est l'objectif. Ça sera mon devoir. Et ensemble, nous allons le réaliser. Merci à vous. Tout ce que je peux dire, c'est que je crois qu'il y a une bonne chance de rattraper ce bout de chemin à l'envers qui a été fait depuis 81, surtout 80-81. Et je crois aussi, M. Mulroney, après tout, est Québécois, lui aussi. Et non seulement Québécois, mais élu récemment dans le Québec, avec un bon nombre de Québécois qui, je crois, ont pas mal de valeur. Enfin, on verra à l'usage. Je crois qu'il y a moyen de faire un bout de chemin. Pour certains, je suis en train de devenir nationaliste. Pour d'autres, nationaleux. Pour d'autres, je représente à moi tout seul. Je suis mais c'est un peu ça qu'on se fait dire des fois. À moi tout seul, tous les reculs possibles et imaginables, tu sais, tous les péchés d'Israël. Et pour d'autres, quand même, heureusement, ben, je peux représenter encore un petit bout de temps, peut-être une certaine lucidité. Puis bon Dieu, quand on est allé trop loin, même si on y a, puis Dieu sait, je le sais, si on y a participé soi-même, 80-81, moi, mea culpa, maxima culpa, on était en maudit. Bon. Mais. Eh bien, un jour, il faut se rendre compte qu'on commence à déconnecter. Là. Brian Mulroney, le soir de sa victoire électorale du 4 septembre 84, suivi de René Lévesque à l'émission Le Point le 29 novembre 84, donc quelques mois plus tard. L'élection des conservateurs, Jean-Charles Panton, des conservateurs de Brian Mulroney, il faut se souvenir de qui c'était, cette équipe-là, aussi beaucoup de Québécois, un certain nationalisme québécois. Donc, ils prennent le pouvoir en 84 à Ottawa. Ça va conduire à une autre crise majeure au Parti québécois, qui va se solder par le départ de ministres de députés, 12 députés, les ministres vont partir. Absolument. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre l'élection de Mulroney et le départ de ses députés et ministres? Bien, René Lévesque présente ce qu'il disait, c'est essentiellement ce qu'on a appelé plus tard le beau risque. Donc, il décide de donner une chance au fédéralisme, donc de s'asseoir avec le nouveau gouvernement Mulroney pour, si vous voulez, négocier une nouvelle entente constitutionnelle cette nouvelle équipe. Avec cette nouvelle équipe, Trudeau étant parti, voilà, il y a un vent d'espoir qui souffle. souffle. Mulroney se veut rassembleur. Mulroney est, je pense, sincère dans sa volonté de vouloir rapatrier le Québec dans la Constitution canadienne, ce qui n'est pas le cas depuis 82. Réparer, voilà ce qui a été fait, ce qui a été brisé en 82. Et l'évêque dit, ben voilà, c'est le beau risque, on y va, on veut aller de l'avant. Sauf qu'on a vu qu'il y avait eu un congrès où on voulait plutôt aller, une frange voulait plutôt aller du côté de la souveraineté. Là, il s'agit d'un recul assez clair. C'est dit dans des mots qui ne laissent pas place à interprétation. Il est clair que maintenant, on veut plutôt entamer une démarche de fédéralisme renouvelé. La mise en veilleuse. La mise en veilleuse, la souveraineté, voilà, et la renégociation d'un fédéralisme, donc la réintégration dans la Constitution canadienne. On peut imaginer que ceux qui restent au Parti québécois et qui sont encore indépendantistes avalent encore moins bien cette, après le référendum, vont avaler encore moins bien cette option-là que présente René Lévesque. À travers ça, certains vont vouloir négocier, vont vouloir un peu atténuer la position de René Lévesque, mais en maintenant quand même sa position, Camille Lorrain va tenter de faire un travail pour réconcilier l'ensemble des mouvances plus indépendantistes versus celles qui sont plus nationalistes ou fédéralistes, renouvelées ou etc., appelons-les comme on veut. Mais Lévesque, dans toute cette histoire et plus tard... on lui reprochera, certains de ses collaborateurs lui reprocheront ça. Il va demeurer... il ne veut pas négocier, l'évêque. Il veut aller dans cette direction-là. Et donc, il ne veut absolument pas atténuer sa position. Et ça va amener un certain nombre de ses ministres, et pas des moindres, Jacques Parizeau, Camille Lorrain, plusieurs députés aussi, à carrément démissionner. 12 au total. 12 départs au total. Et ça ébranle fortement le gouvernement Lévesque. Ouais. Puis il y a une usure. Il y a l'usure du pouvoir. Il y a l'usure de l'homme de René Lévesque. Moi, je me souviens très bien du Lévesque de la fin du deuxième mandat, et c'était vraiment pas sympathique. Irascible, fatigué, malade. Oui, problème d'alcool, consommation d'alcool assez importante aussi. Et puis oui, des sondages. C'est... Je reviens au tout début de l'émission. Oui. Ça, c'est peut-être... Est-ce que c'est le clou dans le cercueil? Mais en tout cas, en plein congrès du Parti québécois en janvier 85, ce sondage-là qui fait mal, c'est le début de la fin, ça. Absolument, absolument. Et en plus, plusieurs de ses députés, certains membres du Parti québécois même, le contestent ouvertement et ils ne tolèrent pas cette contestation-là. Donc, dans les mois, le printemps, disons, 1985, tous les signes vont dans la même direction, si bien qu'au début de l'été, l'évêque va décider carrément de démissionner au moment où, ironiquement, on va célébrer ses 25 ans de vie parlementaire. Il va décider de s'en aller, de quitter. Il le fera officiellement plus à l'automne 1985 et c'est son successeur, donc Pierre-Marc Johnson, qui prend la relève. Donc, fin très, très difficile pour René Lévesque comme chef du Parti québécois. De quoi sera fait, là? Il va mourir pas très longtemps après, mais quand même. Moins de 2 ans après la fin. À quoi vont ressembler ces 2 années d'après la politique? Bien, il va s'attaquer à son autobiographie. Il va écrire « Attendez que je me rappelle » en 1986. Il va publier ça en 1986. Donc, il va, semble-t-il, prendre beaucoup de plaisir à l'écrire. Il va voyager aussi, l'évêque. Hein? C'est un homme qui avait voyagé beaucoup et qui avait eu moins le temps, disons, de le faire personnellement là, pour ses propres passions. Donc, il va voyager beaucoup, écrire son autobiographie. Et 2 ans après, à peu près 2 ans après avoir quitté le pouvoir, bien, l'évêque va mourir. Ouais. Il va mourir à l'âge de 65 ans. Jean-Charles Paneton, historien politologue, auteur des ouvrages « Gouvernement Lévesque », tome 1 et tome 2. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.